L'île au trésor. Bonjour, je vais vous raconter la fabuleuse histoire de Jim Hawkins. Ce jeune garçon habitait dans les années 1800 à l'auberge de l'amiral Benbow, située au bord de la mer en Angleterre, jusqu'au jour où... Mais écoutez plutôt ce qui lui est arrivé. Comme tous les soirs avant de se coucher, Jim a une mission, essuyer les tables de l'auberge. Il s'apprête à nettoyer la dernière quand un coup de bâton résonne à la porte. Aussitôt, son père lance d'une voix grave. On arrive, on arrive. Puis il donne vite un tour de clé et ouvre la porte sur un vieux marin au visage couvert de cicatrices. En le voyant, Jim a un léger frisson. Il n'a jamais vu un homme aussi costaud et aux ongles aussi noirs. D'un pas assuré, l'homme s'installe à la première table et pose à ses côtés un curieux coffre de marin. Il commande un verre de rhum et entame la conversation avec l'aubergiste. C'est tranquille ici et bien placé. Mais dites-moi, camarade, vous avez beaucoup de clientèle? Pas assez à mon goût, hélas. Tant mieux. Je vais pouvoir y rester un moment. Vous inquiétez pas, je suis pas difficile. Du rhum et des eaux-lards feront l'affaire. Et cette falaise tombe à pic pour surveiller les bateaux. Au fait, appelez-moi capitaine. Tous les jours, c'est le même scénario. À peine levé, le capitaine enfile son habit bleu et monte sur les falaises. Là, il ajuste sa longue vue de cuivre et inspecte l'horizon. Puis de retour à l'auberge, inquiet, il pose toujours la même question à Jim. As-tu vu un marin avec une jambe de bois? Si c'est le cas, préviens-moi tout de suite, tu m'entends? Tout de suite! Ivre un soir sur deux, le vieil homme fait trembler les murs de l'auberge quand il entonne d'étranges chansons comme celle-ci. Nous étions 15 matelots sur le coffre du mort, yo-ho-ho. Et une bouteille de rhum, la boisson, et l'odium se sont chargés des autres, yo-ho-ho. Et une bouteille de rhum. Parfois aussi, il raconte des histoires épouvantables d'hommes pendus ou jetés à l'eau. Des histoires de violentes tempêtes où il a combattu aux côtés du capitaine Flint, qui était, paraît-il, le plus sanguinaire des pirates. En tout cas, quand le matelot se met dans ses états, personne à l'auberge ne pipe mot. Excepté le docteur Livesey qui lui ordonne. Silence, monsieur. Vous embêtez tout le monde. Offusqué, le capitaine rétorque. C'est à moi que ce discours s'adresse. Parfaitement. Et si vous continuez à boire comme ça, le monde sera bien débarrassé. Hors de lui, le capitaine se lève et brandit son couteau. Mais heureusement, le docteur a le bon réflexe. Si vous ne rangez pas cette arme dans votre poche, je vous ferai pendre. Le bec cloué, le capitaine monte en titubant dans sa chambre. Son travail terminé, Jim aime beaucoup s'asseoir sur le seuil de l'auberge pour écouter la mer. Mais un jour, il entend de curieux coups de bâton frapper le sol. Il lève alors le nez et aperçoit un vieil homme voûté, appuyé à une canne et habillé comme un mendiant. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un pour indiquer sa route à un pauvre aveugle? Je cherche l'auberge Amiral Benbow. D'un bond, Jim s'approche du vieillard et lui offre son bras. Entrez, monsieur, c'est ici. Mène-moi vite au capitaine, petit. J'ai quelque chose à lui remettre. Jim n'a jamais entendu une voix aussi métallique et se met à frissonner en voyant l'aveugle esquisser un horrible rictus. Intimidé, il explique d'une voix chevrotante. Pouvez-vous attendre un peu? Le capitaine n'est pas en état de parler. Je n'en ai pas pour longtemps, jeune homme. Je te répète encore une fois, mène-moi auprès de lui. Jim s'exécute et conduit l'aveugle à la table du capitaine, à qui aussitôt le mendiant glisse dans la main gauche un étrange papier taché de noir. Encore dans le brouillard, le capitaine le déplie, puis le lit à voix basse. Vous avez jusqu'à 10 heures ce soir. Tout à coup effrayé, le vieux marin murmure. La tache noire, mille tonnerres. Après ce délai, ils me tueront. Il faut que je parte d'ici. Mais en se levant, le capitaine est pris d'un terrible vertige. Il porte la main à sa gorge, vacille un instant, et s'affaisse, raide mort, sur le sol. Affolé, Jim se souvient soudain de ce qu'il lui a dit. « S'il m'arrive malheur, petit, file prévenir le docteur Livesey. Il pourra juger ceux qui me recherchent. N'oublie pas !» Terrorisé d'abriter un cadavre dans son auberge, la mère de Jim ferme tous les verrous. Son fils lui raconte alors tout ce qu'il sait sur les nombreuses visites que le vieux marin avait reçues ces derniers temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il cachait quelque chose dans son coffre et que c'est probablement pour ça que ses anciens camarades le recherchaient. Il faut donc au plus vite trouver la clé du coffre et confier son contenu au docteur Livesey. Jim prend les opérations en main et fouille minutieusement le capitaine. Il ouvre son col de chemise et... « Maman, regarde ! Voilà la clé ! Vite ! Montons dans sa chambre et ouvrons son coffre !» Avec un léger déclic, le coffre se déverrouille et libère une drôle d'odeur qui chatouille aussitôt les narines du pauvre Jim. « Bah ! Ça sent le tabac froid !» En tout ce temps, Jim continue ses recherches. Hé, maman, regarde ce qu'il y a. 4 pistolets, une montre espagnole, un compas, des coquillages, un paquet entouré de toile cirée et un sac de toile. Brûlant d'impatience, Jim saisit le sac et y plonge la main tout entière. Ça alors ! Des pièces du monde entier ! Tout à coup, il entend un bruit connu, une sorte de tapotement. Maman, c'est l'aveugle dont je t'ai parlé. Vite, plions tout ça et filons chez le docteur Livesey. Jim et sa mère échappent de justesse aux bandits. À peine se sont-ils cachés dans la lande que l'aveugle, escorté de 7 complices, passe clopin-clopant tout près d'eux. Mais arrivé devant l'auberge, l'aveugle se met à hurler. Enfoncez la porte ! Quelques minutes plus tard, en voyant le corps du capitaine, un des brigands s'écrie en tremblant. Bill est mort ! Sans sourciller, l'aveugle continue à vociférer. Que l'un de vous le fouille, tas de fainéants ! Et que les autres montent chercher le coffre ! Et grouillez-vous ! Seulement voilà, Jim a déjà emporté le contenu du coffre. Et les brigands repartent bredouille. Tout danger écarté, Jim court frapper à la porte du docteur Livesey. Oh, bonjour, Jim. Quel bon vent vous amène. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon ami, le chevalier Trelawney. Jim est un peu intimidé, mais quand il raconte son histoire, le docteur Livesey et son ami sont complètement captivés. Le récit terminé, le docteur s'empresse de lui dire. Ainsi donc, Jim, vous avez l'objet que ces bandits recherchaient, n'est-ce pas? Le voici, monsieur. Le docteur tourne le paquet de toile cirée dans tous les sens, puis coupe les fils pour voir ce qu'il contient. C'est un cahier au nom du capitaine Flint et un pli cacheté. Sur le cahier, des dates, des noms de lieux et des colonnes de chiffres sont griffonnées. Intrigué, Livesey se gratte le menton. Je n'y comprends rien. Cela n'a ni queue ni tête. Le chevalier, lui, ne partage pas cet avis. C'est pourtant clair. Nous avons en main le livre de compte de ce satané Flint. Ces croix représentent des vaisseaux coulés et des sommes d'argent volées. Bon, voyons maintenant le pli cacheté. Avec 1000 précautions, le chevalier défait le pli et lance tout excité. C'est la carte du Nil, regardez. Il y a toutes les indications pour la trouver et des conseils pour ne pas s'y échouer. Fantastique! Il y a aussi 3 croix à l'encre rouge et il est marqué « La plus grande partie du trésor se trouve ici ». Le chevalier retourne dans la carte et lit tout aussi ému. Grand arbre, contrefort du télescope, à l'extrémité nord de la baie nord. Ébahi, le chevalier repose la carte sur la table, réfléchit un court instant, puis s'exclame. Livesey, vous allez abandonner tout de suite vos misérables patients. Demain, je pars pour Bristol, et en 2 semaines, croyez-moi, nous aurons le meilleur bateau d'Angleterre et un équipage d'élite. Jim, vous partez avec nous, vous serez notre petit mousse. Quant à moi, je serai votre amiral. Pas d'objection, docteur ? Si, et une de taille, Trelawney. Vous êtes un grand bavard, et vous savez comme moi que les bandits feront tout pour avoir cette carte entre les mains. Alors, Motus. Livesey, je serai une tombe. En quelques heures, le chevalier boucle ses valises et file à Bristol pour chercher un bateau capable d'affronter toutes les mers. Mais trouver un équipage lui demande plus de temps que prévu, et c'est seulement un bon mois plus tard qu'il demande à Jim et au docteur Livesey de le rejoindre. Impatient de courir les mers et de chercher un trésor, Jim file à l'auberge embrasser sa mère, puis monte dans la première voiture postale, direction Bristol. Le voyage est long, très long. Enfin, après de nombreux arrêts, la voiture s'arrête devant une grande auberge. Le chevalier Trelawney les attend sur le pas de la porte, déjà vêtu comme un officier de marine. Vous voici enfin! Parfait. L'équipage est au complet. Ému, Jim lui demande aussitôt. Quand partons-nous? Mon jeune ami. Mais demain. Intarissable, le chevalier explique par quel heureux hasard il a rencontré un vieux loup de mer nommé Long John Silver et comment cet homme a engagé une grande partie de l'équipage. La description que le chevalier en avait faite était si précise que Jim reconnaît tout de suite Long John Silver en montant à bord de l'Hispaniola. Il a une béquille sous l'épaule gauche et sautille comme un oiseau. Sa figure est grosse comme un jambon et il éclate de rire à chaque instant, secouant à chaque fois son perroquet perché sur son épaule. Devant un tel personnage, Jim est rassuré, car il avait très peur de se retrouver nez à nez avec l'homme à la jambe de bois dont lui avait parlé le capitaine Bill avant de mourir. Soulagé, il s'avance vers lui. Vous êtes bien, Monsieur Silver ? Exact, mon garçon. Et toi, quel est ton nom ? Jim. Jim Hawkins. Ah, t'es le moussaillon. Charmé de faire ta connaissance. Un peu plus loin sur le pont, ce n'est pas la bonne humeur. Le capitaine de l'Hispaniola, le capitaine Smollett, se dispute déjà avec le chevalier et le docteur. Les bras croisés et le sourcil froncé, il explique au chevalier. Monsieur, je n'aime pas ce voyage et je n'aime pas cet équipage. J'ai été engagé pour mener ce navire où vous m'en donneriez l'ordre, sans connaître le but de votre expédition. Et je m'aperçois que tout le monde ici en sait plus que moi. J'ai appris en effet que nous allions à la recherche d'un trésor. À ces mots, le docteur Livesey jette un œil noir au chevalier. Il le soupçonne fortement d'avoir trop parlé. Mais le capitaine Smollett continue à manifester sa désapprobation. En tant que responsable de la sécurité, j'exige que la poudre et les armes soient placées dans la meilleure cabine. En un éclair, les matelots exécutent l'ordre du capitaine. Mais Long John Silver se poste devant eux et s'écrie. Hola, camarade! Qu'est-ce que vous faites? Furieux, le capitaine Smollett le toise du regard et lui ordonne. Filez à vos fourneaux, préparez le dîner pour l'équipage! Avec la plus grande assurance, le capitaine donne ses dernières instructions à l'équipage, puis lance d'une voix forte. Levez l'ancre! À ces mots, un cri perçant retentit aussitôt sur le navire. Pièce de huit! Pièce de huit! C'est le perroquet de Long John Silver. Il a appartenu à un terrible pirate et navigué sur toutes les mers du monde. Il a été repêché d'un bateau naufragé où il avait appris à dire pièce de huit. Jim s'attendait à une traversée houleuse, c'est tout le contraire. La cuisine est excellente et il apprend de nombreuses chansons avec Silver et l'équipage. L'Hispaniola vogue d'ailleurs si vite que l'arrivée sur l'île est prévue pour bientôt. Fiévreux à l'idée de découvrir cette nouvelle terre, Jim décide de ne pas dormir. Il va manger une pomme en regardant le coucher du soleil. En effet, pour combler les petits creux des matelots, John Silver a eu la bonne idée de mettre une énorme barrique de pommes à leur disposition. Mais quand Jim s'approche pour en prendre une, il doit plonger dans la barrique car elle est presque vide. Installé à l'intérieur, Jim croque son fruit à pleines dents quand il sent quelqu'un s'adosser au tonneau. Soudain, il entend une voix familière. Savez-vous où est la carte ? Non, John, mais tu connais l'endroit comme ta poche. Oui, mais je ne sais pas où Flint a caché son trésor. Il ne me disait pas tout quand je naviguais avec lui. Jim est effrayé par ce qu'il vient d'entendre. Ainsi, Long John Silver est un traître, un pirate. et les hommes d'équipage qu'il a engagés ne sont que des complices. Sans faire le moindre bruit, il écoute attentivement la suite. Écoutez, les gars. Nous devons attendre que le chevalier et le docteur aient trouvé le trésor et l'aient rapporté à bord. La prudence voudrait aussi que l'excellent navigateur Smollett nous mette sur le chemin du retour. Mais je sais que vous voulez en finir au plus vite, aussi nous les tuerons tous sur l'île. Le complot mis au point, Long John Silver et ses complices regagnent discrètement leur poste. Jim, lui, court prévenir ses amis. Docteur, chevalier, capitaine, j'ai une affreuse nouvelle à vous annoncer. Encore sous le choc, Jim raconte tout d'une voix saccadée. Le visage blême, le chevalier prend la parole. Eh bien, capitaine, vous aviez raison de vous méfier de cet équipage. J'ai eu tort. J'attends vos instructions. Bien. Premier point, nous ne pouvons pas revenir en arrière, ça déclencherait la révolte. Deuxième point, nous avons du temps devant nous. Du moins jusqu'à la découverte du trésor. Troisième point, les matelots qui n'ont pas été engagés par John Silver nous sont fidèles. Enfin, nous pouvons compter sur Jim, qui a la confiance de ce brigand. Jim sait que sa tâche sera dure. Il doit faire comme si de rien n'était devant Long John Silver. Et les matelots fidèles et ses amis ne sont que 7 contre 19 pirates, prêts à tout. Le lendemain matin, l'île dévoile enfin ses bouquets de pain. À bord de l'Hispaniola, la tension est à son comble. Devant l'impatience de ses hommes, Long John Silver leur chuchote. Doucement, les gars, vous l'aurez votre or. Mais il nous faut d'abord la carte. Et pour ça, laissez-moi faire. De son côté, le capitaine Smollett se rend compte qu'il faut agir avec prudence. Il explique à ses amis. Autorisons les hommes à descendre à terre. Pendant ce temps, nous nous rendrons maîtres du bateau. Le capitaine s'arrête un instant, puis reprend d'une voix sombre. Chevalier, mettez tous les hommes sûrs dans la confidence et donnez un pistolet à chacun d'eux. Quant à moi, je monte sur le pont, parler au reste de l'équipage. Puis, avec le plus grand sang-froid, il s'adresse aux marins. Matelots, la journée a été rude. Nous sommes tous fatigués et de mauvaise humeur. Un tour à terre nous fera du bien. Que ceux qui désirent y aller prennent des canots. Je tirerai un coup de canon une heure avant le coucher du soleil. À ce signal, tout le monde sur le pont. En poussant des cris de joie, les marins prennent d'assaut les canots. Hélas, Silver laisse 6 hommes à bord, ce qui empêche le capitaine Smollett et ses amis d'être maîtres du bateau. Jim, lui, ne peut résister davantage. Il saute à son tour dans un canot. Le pied tout juste posé à terre, Jim court explorer l'île inhabitée. Tout à coup, alors qu'il déguste un fruit inconnu, il entend Long John Silver et sa bande se disputer avec d'autres matelots. Puis des lames de couteau se mettent à briller, et dans un cri rauque, les quelques marins honnêtes s'effondrent sous ses yeux. Terrorisé, Jim court à perdre haleine à travers la forêt quand une forme velue bondit derrière le tronc d'un pin. Le cœur battant, Jim sort alors son pistolet et avance à pas de loup vers cette curieuse créature. Quelques secondes plus tard, un homme vêtu de vieille toile à voile et au visage brûlé par le soleil le fixe de ses yeux turquoises. Rassemblant son courage, le jeune mouche lui demande « Qui êtes-vous ?»« Ben Gunn, petit. Pardonne m'avoir, oui, mais je n'ai parlé à personne depuis 3 ans. »« 3 ans ? Vous avez fait naufrage ?» Non, on m'a abandonné. J'ai survécu grâce à de la viande de chèvre, des fruits et des coquillages. Mais je rêve de croquer un bout de fromage. Quand je pourrai remonter à bord, je vous promets de vous en donner. Rassuré, Jim raconte alors toute son histoire, puis écoute le vieil homme lui relater la sienne. J'étais sur le bateau de Flint quand il a enterré son trésor. Il était parti sur cette île avec 6 marins. Mais quand il est revenu à bord, il était seul. Il les avait tous tués. Et il a refusé de dire à John Silver, son quartier maître, où il avait caché le trésor. Essoufflé, le vieux marin s'arrête un instant, puis reprend. 3 ans après, j'étais sur un autre bateau quand nous sommes passés en vue de l'île. J'ai parlé alors du trésor à mes compagnons. Et on a décidé de le chercher. Mais au bout de 12 jours, on n'avait toujours rien trouvé. Et ils étaient si furieux qu'ils m'ont abandonné ici.